Le 4 mai 2015, l'Albatros, patrouilleur de la marine française, arraisonne un yacht à la dérive sur l'océan Indien. Tout a commencé par une page blanche. Nous ne vendons pas, nous achetons rubis sur l'ongle et en nature. Nous achetons les âmes, non, pardon, à chaque fois que la 1275e tombe. Bingo, le compteur repart à zéro et vous touchez le bonus. Ah, pas une arnaque. C'était un jeu. On avait joué. C'était rapide. C'était marrant. C'était gratuit. Ça n'engageait à rien. À bord, un skipper en état de crise mentale. Un équipage hagard. Tous les passagers du Shirley Jackson ont disparu. Sauf une poignée de rescapés que les militaires déposent d'abord à Mayotte, le temps d'une série d'entretiens de débriefing avant de les rapatrier à Paris. En principe, je ne me serais jamais embarqué sur un truc pareil. La croisière ? Un coup de chance. Enfin, si on veut. Un coup du sort. Je finis par me demander si c'était le hasard. Quoi ? Notre départ ? C'était une espèce de tirage au sort. Bref, on est rentré. C'est pas le cas des autres. On a eu de la chance. Vous croyez qu'on s'en est tiré ? Vous croyez qu'on est quitte ? Je sais même plus comment tout ça s'est goupillé au départ. Au départ ? C'était un jeu. À bord du Shirley Jackson, de Nicole Caligaris. Je n'ai pas fait le rapprochement sur le moment, mais il se trouve que quelque temps plus tard, j'ai bénéficié des conséquences d'un malheur que j'ignorais avoir voulu. Un jour, j'ai vu arriver une invitation dans ma boîte. Tout frais payé. Avec la photo du yacht et un billet d'avion pour rejoindre Yanbu, en Arabie Saoudite. Où le Shirley Jackson était amarré au ponton privé de l'hôtel Canary Beach. Un aller simple. Je n'y ai fait attention qu'une fois sur le bateau. J'ai fini par comprendre que j'avais été tirée au sort dans un jeu auquel je ne me souvenais pas d'avoir participé. S'il fallait se souvenir de tout ce qu'on a fait, le règlement complet a été déposé chez un notaire, comme ils font toujours. Mais personne ne va jamais demander ça. C'est un tort. J'ai maître Ballantré. Une croisière. Je ne me suis pas posé 36 questions. Je me suis dit... Je ne sais pas trop ce que je me suis dit. Belle occasion. Tout me souriait à cette époque. Miraculeusement. Mais ça n'allait pas fort. Je me suis dit... Je ne me suis rien dit du tout. J'ai fait mon sac, j'ai pris ce billet à mon nom et je suis partie. Je ne pouvais pas rater ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Ballister n'a rien vu. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès le début. Quand j'ai été approché par un notaire pour la première fois de ma vie. Ça ne m'a pas plu. Les notaires, c'est pour les morts. Je n'en étais pas là. Je l'ai dit à Maître Ballandré. Je n'aime pas les intermédiaires, moi. J'aime entendre la voix de l'armateur qui m'emploie. Ça ne pèse rien, une voix. Mais ça permet de peser l'homme. Quant au bateau, aucun skipper de ma connaissance n'avait jamais entendu parler du Charlie Jackson. Ça n'était pas bon signe. C'était un jour turquoise. Un grand jour. Large. Infiniment léger. Le Shirley Jackson fonçait vers le sud lumineux, effilé du museau, rutilant, choyé par la chance, comme nous. Nous étions innocents au contact de la mer. Nous écoutions de la techno. Et le soir, nous dansions, dans la fraîcheur du pont, un martini en main, et puis un autre. 12 jours en mer, nous n'avons pas vu un nuage. La houle avait le reflet nacré des coquillages. L'écume était rose, à certaines heures, ou argent. À 4 heures de l'après-midi, la buée collée sur les verres nous rendait flous. Le voyage était confortable. Le moteur tournait en silence. Le cuir des banquettes était d'un fauve de grand luxe. Le minibar était garni dans les cabines lambrissées. Et nous fumions des cigarettes. Des cigarettes. Un albatros venait virer dans nos parages de temps en temps. Il rasait le bateau, faisait un tour et revenait nous suivre un moment. Et bye bye. À chaque crépuscule, l'irritation était à son comble. Puis le noir tombait par-dessus, brutal et... rideau. Nous tentions quelquefois de reprendre le fil. Mais notre mémoire était blanche. À la vitesse où nous allions, nous n'avions plus la notion du temps. Nous étions lents. Nous étions à l'étroit là-dedans. Peu bavards. Engourdi. Et puis nous étions sans repère avec cette mer. Elle était partout, elle ne changeait pas. Il n'y avait plus rien des visages. Plus que l'éclat fugitif des dents quand un sourire nous parvenait d'un rêve. Le yacht avait pris un coup de vieux. Sur cette mer qui n'avait pas l'air de bouger. Le vernis se soulevait par plaques. Notre peau grattait en permanence. Avait pris un goût épouvantablement amer. Nous avons joué, sans doute. À quoi avons-nous joué? Les objets, les corps à contre-jour étaient insaisissables. Plus le voyage avançait, mais vers quoi? Plus le jeu devenait frénétique. Nous bataillions contre le hasard qui nous avait servi pourtant Royal Aubard avant notre départ. Nous devions être loin. Mais de quelle terre? Il n'y avait pas... pas un oiseau. Et pas une nageoire. La coque ne devait plus être étanche. L'eau goûtait au-dessus des couchettes. Le sel poissait partout. Nous enfoncions. Était-ce la vitesse du bateau qui ne faiblissait pas ? Nous sentions monter les effets du vertige, la nausée. Nous ne mangions plus du tout. Nous ne connaissions plus qu'une clarté écarlate, de jour comme de nuit, accrochés à la surface de l'eau. La petite cambuse qui servait de cuisine faisait peur à voir. Nous avions installé un réchaud sur la table du carré. Ça suffisait pour faire réchauffer le café. Pour le reste, nous ne mangions plus. Pas sûr que notre capitaine fût toujours aux commandes de Charlie Jackson. Nous étions noirs. Une torsie. Notre mécanicien était une femme, Rose Ephraim. Je ne sais pas d'où elle venait, ni si c'était son véritable nom. J'en doute. Personne n'avait de véritable nom dans cette croisière. Elle était capable de vous surgir sous le pif depuis le ventre du bateau. Ou de disparaître. Escamoté par une issue qu'on n'aurait pas imaginée. Elle était chargée de s'occuper des moteurs. Elle passait son temps à explorer le bateau. On entendait ses pas. On entendait son souffle. Comme si elle se trouvait toujours là. Ça vous collait la chair de poule. Il y avait quelque chose dans ce yacht qui n'allait pas. Mais pour rien au monde, elle n'aurait dérangé le capitaine Ballister. Non. Elle avait été chercher la seconde. Je veux vous montrer quelque chose. Stubb. Qu'est-ce qui vous a recruté, vous ? Oui, je sais, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, mais c'est le notaire qui m'a recruté moi aussi. Maître Ballantré. Et Ballister. Ballister ? Il est comme nous, je suppose. Il a été recruté par Ballantré et il fait exactement ce qu'on lui dit. Il paraît qu'il a eu quelques déboires et que ça fait pas beau sur son CV. Quelques déboires, c'est le mot. J'ai entendu dire ça moi aussi. Tout c'est sur ce globe. Ce qui fait qu'il n'a pas trop eu le choix, si je comprends bien. C'était Charlie Jackson ou rien. Ce qui fait qu'il n'a pas trop eu le choix, si je comprends bien. C'était Charlie Jackson ou rien. Mais tout ça sur ce globe, les Philippins n'ont pas leur papier. Vous et moi, on est tous là sur ce yacht. Les Philippins n'ont pas de papier. Vous et moi, nous sommes des femmes, autant dire la malédiction en mer, vous voyez. Personne n'a eu vraiment le choix. Ça vous semble pas un petit peu fort? Dans le bateau, vogue, non? Le capitaine est un peu autiste sur les bords, mais on s'y fait. Et dans l'ensemble, ça tourne. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Et puis entre nous, le salaire est plus fort aussi. Ouais, vous voulez dire que ça fait taire les consciences? Qu'est-ce que vous avez sur la conscience? Sur la conscience? Rien de moche jusqu'à présent. Je pensais plutôt à celle de Ballister. Mais j'ai quelque chose sur le cœur, à propos de ce bateau. Oui, je sais. Il est beaucoup plus vieux que ce qui est noté sur les papiers d'enregistrement. Ça, c'est banal. Non. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans les proportions de ce bateau. Je commence à le connaître. Sous toutes ses coutures. Ça ne va pas. Attendez, Rose. Vous n'êtes pas ici pour faire de l'architecture navale, mais pour vous occuper des moteurs. Ne venez pas nous faire perdre du temps avec des questions métaphysiques. Les moteurs sont tout neufs. Ils tournent de façon impeccable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je m'en occupe. Maintenant, si vous avez affaire, pardon de vous avoir pris votre temps. Rosa, je vous écoute. Je voudrais vous montrer quelque chose. Venez voir. Vous commencez à connaître le bateau. Comme vous dites, ça fait 10 jours qu'on y est. Je commence à m'y retrouver. Eh bien, vous allez voir qu'on peut encore avoir des surprises. Ça, j'ai appris en mer que la logique était aussi relative que la réalité. Vous ne croyez pas si bien dire. Ce bateau, j'ai l'impression, ça va vous paraître vraiment bizarre. Mais vous allez voir. Peut-être que vous comprendrez mieux que moi la chose. J'ai l'impression que ce bateau, enfin, la coque de ce bateau contient des espaces relatifs. Mais qu'est-ce que vous racontez, Rose ? Plus le voyage avance, des espaces relatifs, plus mes passagers sont fatigués. Sans appétit pour rien. Sous de mélange au Curaçao. Confondant le jour et la nuit. Accaparés par des parties de dés qui n'en finissent pas. Ou des parties de cul. Le bateau, malgré son âge, se comporte très bien. Lui, la mécanicienne, est étonnée de l'état des moteurs. Ça va tout seul. Nous attendons que nos mains se touchent. Et puis, nos mains se touchent. Et nous tendons le lit de ce qui va se produire. C'est à ça que tu penses ? C'est ce qui me fait trembler la voix. Et qui te tente ? Oui. Et toi ? Moi ? Que tu te glisses dans mon organisme ? Que de l'intérieur, tu l'émeuves ? Tu le fasses sentir un instant qu'il est. Un instant qu'il a quitté ses dimensions pour celle de la nuit que tu fabriques, avec laquelle il se mélange, et que tu lui donnes son ouverture. Je sais comment ça commence. Recommence. Je recommence. Et je pourrais goûter ton goût. Je monte. Poussée par ta poussée. Enragée par toi. Par le prodige de ton envie monstre. Animée par toi. Je monte. Et même d'être entrée dans ta bouche. Malgré l'épuisement de toutes les possibilités, je monte. Tu m'as donné ta salive. Par toi. ta langue qui me fait, moi, rien. Né de ta bouche. Ouais, t'as brûlé. Quoi d'autre? Perdu d'avance. Et alors? Prête à lâcher le peu que j'ai de sens. Prête à faire l'ange. Pour la première fois. Zébré. Traversé par toi. Un rouge. Violemment toi. Ton esprit, ta soif. Ta langue. Feu de mes orifices. Feu de ma gorge obturée par la peur et que tu as ouverte pour y entrer ton souffle, ton signe. Hors de moi. Hors d'ici. Des vitres, des pièces où les gens dorment, des surfaces où se reflèteront nos retombées pendant qu'ils ont les yeux fermés. Je te connais. Tu as fait de moi ta chance. Je monte. Former là-haut le choc qui t'appellera toi aussi. Fusion rouge qui te fera monter. Enfin, échapper du bleu. Sauver. Est-ce que vous savez ce que nous sommes venus faire dans cette cambrousse? Surtout si on peut pas quitter la plage. Ni cette saleté de buvette qui vend de la pisse d'âne sous le nom de whisky. Il faut bien réapprovisionner le bateau. Quelqu'un a dû aller faire les courses. Vous avez vu quelqu'un quitter le bateau, vous? À part nous, avec Stubb sur le canot. Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler un taxi? Merci. Vous avez vu leur taxi? Et d'aller faire un tour sur l'île. Zanzibar. C'est risqué, non? Peut-être qu'on va repartir. Il y a eu pas mal de violence ces derniers temps. Ouais. Mais pourquoi sommes-nous arrêtés ici? Si c'est dangereux. Surtout que Zanzibar n'a aucune raison de se trouver sur notre route. Mmh. Vous connaissez notre destination? Comment, mais? Les Seychelles. Bon, ben vous m'expliquerez ce que nous sommes venus faire à Zanzibar. Je ne sais combien de milles au-dessous des Seychelles. C'est ce que stipulait le règlement de Maître Ballantré. Une croisière aux Seychelles. Ballister nous a fait faire un détour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut demander à Ballister. Ballister. On ne le voit jamais. Dans le poste. Peut-être que Ballister ne sait rien du tout. J'ai jamais fait de croisière, mais enfin. Ça me paraît curieux qu'on nous interdise de visiter une escale. En général, c'est le contraire. On fait escale pour visiter. I lost myself on the cold Arrête. flirter avec cet air. Vous me foutez le bourdon. Les dés sont pipés dans cette croisière. Regardez-moi ça. On perd à tous les coups. Vous auriez dû descendre à terre avec les autres. Vous avez besoin de bouger, de voir le ciel. C'est fini, le ciel. Tout est joué. Plus qu'à payer maintenant. Quand on travaille en soute, on sait qu'il faut monter sur le pont de temps en temps et s'accouder au bastingage pour regarder la mer. Simplement. Vous n'êtes jamais sur le pont. Vous passez votre temps à arpenter les boyaux de ce bon son de bateau. J'ai tort. Ça va très vite. Vous nous rendez fous. On perd la notion du temps, là-dessous. On finit par trop bien s'entendre avec le bateau. Regardez. Sur un certain nombre de coups, les dés tombent toujours sur la même face. Une fois. Deux fois. Trois fois. D'accord. Maintenant. Une fois. Deux fois. Trois fois. Vous voyez ? C'est la même série. C'est toujours la même série. Vous finissez par trop bien vous entendre avec les dés. Ça fait des jours qu'on répète la même partie. C'est tout. Vous avez la poisse. Ça ne se produit pas quand je joue. Mais vous n'avez pas à jouer. Vous êtes au service du bateau. Ah. C'est exactement ça. Nous servons ce bateau. J'ai l'impression que c'est le bateau qui m'amène à faire telle ou telle chose. Desserrer ici, régler là, d'une façon que je ne saurais même pas expliquer. I lost myself on a cold damp night. I gave myself in that misty light. Oubliez ces histoires de provisions. Notre mécanicienne dit que tous les niveaux sont au plein. Les provisions, l'eau, le diesel. C'est même une chose qui l'étonne. On consomme pas. Alistair a demandé aux Philippins le grand ménage à bord. Je les ai vus faire les cuivres. Pendant qu'ils tâchent de nous avoir à l'œil par les vitres du poste de pilotage. Regardez. On voit briller ses jumelles. Il paraît qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes. Comme d'habitude. Les provisions, les cuivres. Mais ça ne prend pas 4 jours. C'est nous qui le surveillent. Vous croyez ? Non, ça prend pas 4 jours. Qui vous dit que ça fait 4 jours ? On vient tout juste de débarquer. Oh, le temps à bord du Shirley Jackson. C'est le présent perpétuel. Comment ça se fait qu'on reparte pas ? On dirait qu'on attend quelqu'un. Quelqu'un qui vient pas. Nous attendons dans la baie de mouillage. Quoi ? Ou plutôt qui ? Mystère. Ne me fais pas l'honneur de m'informer. Pourquoi ici, alors que la Tanzanie compte parmi les côtes les moins sûres ? J'ai mon idée. Nous mouillons en face de Tombatou, l'île aux milliardaires. On verra. En attendant, pas difficile de retenir à bord le gros des passagers. Mais j'en ai 4 dans la nature. Si l'ordre arrive de lever l'ancre, il faudra les attendre. Je sais d'avance ce que ce retard va me coûter d'ennui avec Ballantrée. Cambrai. Cambrai. Notre bateau mouillait parmi les plus beaux yachts du monde. Le Gotha du showbiz et de la finance passe ses vacances sur Tumbatu, dans des propriétés inaccessibles. Des pêcheurs maraudaient pour proposer des tours en bateau. Ils se méfiaient. L'endroit était patrouillé par des militaires. Ballister avait chargé Stubb de nous tenir à l'œil. On a filé. Où on est allé? Exactement. Ça, je pourrais pas le dire. On est parti visiter le vieux quartier de Staunton. On a instantanément oublié cette croisière qui commençait à nous peser. Combien on était au juste? Je ne me souviens plus. Je ne sais même plus combien il y avait de passagers sur ce bateau. Je m'aperçois que je les ai oubliés. Tous les autres. On a fait comme tous les touristes. On a été au marché. Ils ont un marché aux poissons extraordinaires. J'avais la sensation de respirer à nouveau. On a été marchander des souvenirs dans les Curious Shops. J'ai acheté quelque chose? Quoi donc? Où j'ai foutu ça? Mes souvenirs sont de plus en plus flous. Je sais plus comment on s'est débrouillé. Ça faisait des jours qu'on était morts. Sur ce bateau. Je crois que... on allait jouer. On était devenus obsédés par le jeu depuis le début de cette croisière. On s'est retrouvés dans un boui-boui. Dans un casino. Qui n'était pas tellement officiel. Je crois qu'on s'est barré. Pendant que Stubb discutait en gardant le canot. Écoutez, perdez pas votre temps, notre capitaine n'a pas l'autorisation de recruter. Qui vous a parlé de recrutement? Je cherche un passage à bord, c'est tout. Je suis marin, hôtesse. J'ai des diplômes, des références, je peux faire un tas de choses, y compris des cocktails. Vous n'avez pas Zanzibar? Pas vraiment, je t'en apprécie. Vous n'étiez pas à Zanzibar, peut-être? Hôtesse! Je vois. Vous étiez de service, disons, sur la petite île au milliardaire, là-bas en face. Je connais Tumbatu. J'y ai travaillé. Du bon monde et du bien manche à la fois. Tout ce que permet le pognon si pratique. Vous n'êtes pas toujours pauvre. Vous allez jusqu'où? On verra. Ça me va. Vous n'êtes pas regardé en vue. Mais tant que j'aime l'aventure, mettons que vous ayez des raisons de vouloir quitter l'archipel au plus vite. Et que ça ne vous laisse pas tel vos choix. Mettons que j'ai mes raisons. Réfléchissez, je peux vous rendre service en échange d'une couchette d'équipage. Et vous l'avez compris, en toute discrétion. Demandez à votre capitaine. Ça pourrait bien l'arranger. C'est à Zanzibar que les choses ont commencé à partir de travers. Personne ne s'est présenté pour monter à bord, à part les quatre passagers qui sont rentrés malades comme des chiens. Le lendemain, j'avais un homme à la mer. Essaie de t'accrocher. Tiens bon. Tu peux respirer. Chaval, le courant m'entraîne au fond. Je force contre courant. Je fatigue vite. Tu te bats? Mais c'est moi qui me prends tes coups. Remonte-moi. Remonte-moi la tête. Je respire de la flotte. Attends. Que je trouve la force de te retenir. Le bon. Avec la dernière énergie, si je peux m'accrocher à quelque chose. Mais cette chose ne m'obéit pas. Pas comme il faudrait. Donc... Calme-toi. C'est moi, Mauti. Je te tiens. Je te tiens. Tu me tiens, mais tu me... Non, tu m'étrangles. Mautine, tu deviens trop lourd. J'ai laissé entrer l'eau. Retourne pas. Tu t'es fait choper par la mer. Si tu crois que je vais avoir la force de nous porter tous les deux... Je vois plus la plage. Elle est sous l'eau. Ne t'éloigne pas. Ne me lâche pas. Mautine, tu ne peux pas... Tu ne peux pas rester accroché à moi. Tu me coules. Tu me pousses dans la mauvaise direction. La surface ne me tient plus. On va sur les rochers, Mautine. Lâche. Tiens-moi. Je nage. Je descends avec toi, Mautine. Tu crois nager maintenant? Encore un peu. Je peux encore. Mautine, tu n'en peux plus. Regarde-moi ça. Tu dégueules de la mousse. Ouais, mon vieux. Lâche. Tu pourras filer comme tu l'as toujours fait. Mais je peux nager. Encore un peu. Décroche-toi de mon cou. Tu me prends comme une force de ramener. Ah, mais la force est de détacher, oui. Lâche mon cou. Lâche mon bras, Mountain, ça va se faire tout seul. Ne me tiens pas. Je me suis retrouvée au milieu de la mer. Portée par l'obscurité dont la texture était devenue différente. Dont les points lumineux fondaient. Dont les brumes commençaient à se soulager de la mer, à monter. À laisser leur consistance épaisse pour une lumière sans trouble. Solaire avant le soleil. La vague me soulevait, m'emmenait sur sa crête et me faisait flotter là-haut. Animal heureux que le sol n'appelle plus, que son poids n'inquiète plus. Ça ne revient pas. Est-ce que j'étais parmi les passagers dès le début de la croisière? Je ne saurais pas le dire. Ils m'ont sorti de l'eau, je ne savais plus rien. Je m'entends parler, ça me donne le vertige. Je me retrouve dans le vide. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais rien du tout. Mes empreintes. Avec mes doigts tout entaillés par les rochers. Les Philippins, qui sont des gens prudents, ont dû sentir le vent. Ils ont profité de la panique du sauvetage pour se sauver eux-mêmes à bord d'un des canots que nous n'avons pas revus. Voilà comment j'ai dû rapporter une noyade. Nous avons repêché, in extremis, l'imbécile qui nageait avec le noyé et qui ne sait toujours pas expliquer ce qu'ils fichaient tous les deux à l'heure où la mer change au milieu d'une zone où les coups de feu pètent. À la place des Philippins, nous avons embarqué une stoppeuse qui m'a montré un brevet de marin. Pourvu qu'on tienne. Pas jeune. les plaisanciers venaient jouer dans cette salle, éclairée à la bougie pour qu'on ne risque pas de voir distinctement les visages. On était dans la fumée. Qui perdait, qui gagnait, n'importe. La banque l'emportait toujours. Mais derrière le jeu, il se passait autre chose. Pieds nus, voilés, sur la mélodie douce des violons, une guérisseuse tournait autour des tables avec un grand plateau de poudre. C'était la cendre d'un mort, paraît-il, qu'elle est venue souffler sur nos quatre têtes sans nous demander notre avis. Pendant qu'un terrible jus de plante circulait dans des gobelets en fer. Et nous nous sommes couchés sur la table, couverts de la poussière du mort, dont elle avait tenu à mettre la dose, pour nous délier, si j'ai bien compris, d'un sort qui nous avait attrapés tous les quatre. Et ça nous a rendus patraques. Et à présent, nous sommes là et les autres ont disparu. Je me demande si cette cendre n'a pas joué son rôle. On est rentré sur le Shirley Jackson dans un sale état. Les autres passagers, baignés en silence dans un noir et blanc de cinéma. Ils se projetaient pour la millième fois ce film dont ils connaissaient les répliques par cœur. Tu as peur ? Ça va trop vite. Ça tourne. Je te tiens, tu sais. C'est ça qui me tourne la tête. Moi aussi, ça me tourne la tête. Mais qu'est-ce qu'on ferait là-bas ? On vivrait tous les deux. On aurait notre ciel à nous. On n'a pas besoin de grand-chose. Il y a des bateaux. Il suffit de chercher un peu. Chut. Ne fais pas de projet. Tu as peur. Ça va trop vite. On pourrait tenter notre chance. Ou tenter le sort. On pourrait partir tous les deux. Ne fais pas de projet. Tu as peur. J'aime avoir peur. Quand je suis dans tes bras. Je vous parle de la dernière cabine, la 104. Celle-là, elle n'est pas attribuée. Justement, je suis passée devant tout à l'heure. Je vous jure qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Peut-être l'amnésique que nous avons repêché. Non. J'ai demandé. La porte de la 104 est condamnée depuis le début de la croisière. Ballister n'a pas la clé. Ouh, la française de la plage qui a réussi à se faire embaucher. Ils lui ont donné une cabine passager. Mais non, je sais très bien où elle est. Ils lui ont donné une cabine équipage. Elle a quatre couchettes pour elle seule. C'est vous dire s'ils sont en sous-effectif. Attendez. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça n'a pas duré longtemps, il est reparti. Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui s'était perdu ou qui avait un problème. Il n'est pas forcément à bord. Non, pas par là. Ça débouche sur la cuisine. Je me suis aperçue l'autre jour. Bizarre, hein, comme circulation. Oh. Je comprends rien, ce bateau. Par là. Où ? Ah non, c'est le poste de pilotage. On se retrouve déjà à l'autre bout du bateau. Merde! Les montures ! On était dans le couloir des cabines passagers, 2 étages au-dessus. Je suis complètement perdue. Comment vous savez que c'est un passager caché ? Attendez ! Chut ! Il a une forme d'intelligence. Une intelligence ? Peut-être pas à ce point. Quoique, je me demande, ma parole, il navigue tout seul. On dirait qu'on débouche sur le carré d'équipage. Balestier s'est enfermé sur la passerelle avec ses cartes. Il ne dit rien, ne laisse entrer personne. Comment ça se fait qu'on l'a toujours pas vu, ce passager ? Il doit avoir des raisons de se cacher. J'ai l'impression que c'est le bateau qui connaît le cap. Bonzi ? Parce que vous connaissez notre cap, vous ? Je crois que nous faisons route vers Aldabra. Un anneau de corail à 500 milles au sud des Seychelles. Dites-moi, Stubb. Ouais. En me regardant dans les yeux. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'un bateau de cette taille puisse fonctionner avec ce qu'il nous reste d'équipage ? C'est-à-dire 3 marins ? C'est impossible. Mais c'est ce qui se passe ! Ce bateau, ça a d'abord été un laboratoire scientifique. Mais il ne s'appelait pas le Shirley Jackson. Attendez. Vous voulez dire que ce bateau a été débaptisé ? Vous savez qu'en mer, on n'aime pas ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu du mal à trouver un équipage. C'est peut-être pour ça que Ballister est si nerveux. Ballister est mort de trouille. Et je crois pas que ce soit à cause du bateau. Moi aussi. J'ai la trouille. Vous en avez trop dit. Ou pas assez. Expliquez-vous. En 1965, le prince Albert, affrété aux armes de la famille royale de Monaco, part pour une expédition qui tourne tragiquement. Tous ses passagers se sont évaporés dans les parages de l'atoll d'Aldabra. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Attendez. Vous nous parlez de 1965. Ça peut pas être le même bateau. C'est exactement le même. J'ai les photos sur mon téléphone. Il a changé de couleur. Il a changé de nom. Mais il n'a pas changé de main. Comment ça ? Ballantré, il y a 50 ans ? Ballantré n'est qu'un notaire. C'est le client qui nous intéresse. L'armateur du Charles Jackson ? Oui. Moi, on le connaît même pas. Un certain Ponzi. C'est après lui que vous en avez. C'est pour ça que vous êtes venu me voir à Zanzibar. Qu'est-ce que vous avez contre lui ? J'ai des archives. Qui viennent d'où ? J'enquête sur les phénomènes inexpliqués. Pour un livre. C'est comme ça que je suis tombée sur des bulletins radio. Bien vous rappeler si j'étais avec vous au départ. Le trou de mémoire se creuse à mesure du voyage. Mais cette croisière, comment ça s'est passé quand vous vous êtes inscrit ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de famille, pas de couple, que des gens seuls ? Comment ça se fait que nous sommes là ? C'est vrai. Je ne suis pas sûre que ce soit le hasard. Nous l'avions gagnée, cette croisière. Qu'est-ce qu'il avait fallu faire? Nous avions été sélectionnés. Pourquoi nous? Nous ne communiquons jamais ce genre d'informations aux bénéficiaires! Chacun des passagers de ce voyage avait craqué le jackpot. Tous des gens bien, comme nous, qui s'étaient amusés un soir de fatigue après une journée mauvaise à maudire un nom sur le site de Ponzi. Seulement le jeu a eu des conséquences. Et nous en avons profité. C'était mettre le doigt dans l'anneau de Ponzi. Contracter la dette sur notre nom. Impossible à racheter. Trop tard. Ponzi ne le rachète pas. Impossible de revenir en arrière. Et ce gage qui nous liait prenait la forme d'une grande bague de corail au milieu de l'océan Indien, où nous foncions nous perdre, tous. Qui gagne, paye. Ponzi tient ses comptes à jour, homme par homme, âme par âme. Et ces archives, qu'est-ce que c'est? J'ai les fichiers sur mon téléphone. Vous allez comprendre ce qui ne va pas. Et sur l'île au milliardaire, vous l'avez trouvé, Ponzi? Il n'y a pas de Ponzi. Seulement d'époque en époque, la trace de Ponzi. Vendredi 4 mai 1965, un patrouilleur de la marine française a arraisonné le prince Albert, dérivant sur l'océan Indien. Ce lundi 4 mai 1935, 16h, un patrouilleur de la marine française arraisonne le pilote. 4 mai 1915, la surprise! Vaisseau de la marine française en route pour les Dardanelles. Un équipage prostré. Nous devons déplorer la disparition de tous les passagers dans des conditions scientifiques qui dérivaient dangereusement vers l'atoll Aldabra. Ni moi, ni Stubb ne pouvons plus rien à présent. Ni personne. Nous nous approchons de l'anneau d'Aldabra. Le bateau fonce à une allure hallucinante. Notre mécanicienne sidérée ne quitte plus ses moteurs des yeux. Ils tiennent miraculeusement ce régime. Qui pilote? Et d'où? Pas réussi à forcer la porte de la cabine 104. Depuis le début de la croisière, Ponzi est injoignable. Ballantrée se défile. Et maintenant, la mer a pris un aspect qui ne me plaît pas. Ce brouillard! Jamais vu un phénomène pareil! Où sommes-nous? Nous devons être tout près de l'atoll à présent. Beaucoup trop près. Beaucoup trop vite! On a déboulé sur le pont. On a vu l'expression à garde de Stubb en train de serrer la main de la mécanicienne. Elles avaient l'air d'écouter quelque chose. Tout d'un coup, au-dessus de nos têtes, une violente engueulade. Une course? Un cri. Quelque chose. Quelqu'un? Une ombre a traversé le bateau. C'était une ombre? C'était... Allez savoir ce que c'était. Sans consistance. Deux secondes plus tard, on a entendu un appel suraigu. Une sorte de tyrolienne? Au large. On est tous montés comme un seul homme sur la passerelle. Il n'y avait personne à la barre. On a appelé comme des fous. Ballister. La grande nuit silencieuse avait englouti pour toujours ce pauvre Ballister, que nous avons retrouvé accroupi dans la coursive des cabines passagers, contre la porte battante de la 104, vide. Quelque chose de gris, luisant, indistinct, entoura notre coque. Nous avions l'air d'être sur un bateau de théâtre, éclairé par une rampe sous-marine. Une clarté laiteuse glissait sous la quille. On devinait de grands massifs sombres qui passaient dans les profondeurs. Ça grouillait d'une foule d'êtres mal définis qui vaquaient à quelques besognes fiévreuses. Le bateau fut soulevé. Puis la formidable vision se brouilla. La mer reprit son opacité grise. À tribord, la lueur courut comme une frange brûlante sur les crêtes de la houle. Et puis elle s'évanouit. Une force terrible vit pencher le Charlie Jackson sur bâbord. Une déferlante couvrit le pont. Puis le calme revint. Alors une voix brisée fit l'appel. Chacun des noms resta. Et s'évanouit. Sans réponse. Et pendant que ces noms tombaient, une série d'injures monta du pont du Charlie Jackson. À l'adresse de la mer, du ciel, du mystère. Et du bateau de Ponzi. Ponzi ? Il n'y a pas de Ponzi. Des passagers sont tombés dans l'eau. C'est tout. C'était « À bord du Shirley Jackson » de Nicole Caligaris. Avec Karina Bella, Catherine Cadet, Sandra Chartrer, Cécile Chauvin, Julie Delille, Armand Éloi, Jacques Adjage, Adèle Jail, Laure Lefort, Antoine Linguinou, Chantal Pétillot, Clarisse Plasteg, Benjamin Porceda, Catherine Vinatier, Catherine Vuillez. Bruitage Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Chant, Benjamin Porceda. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Claude Guerre. À bord du Shirley Jackson de Nicole Caligaris a été réalisé avec la collaboration des Chantiers Nomades.